Chapitre 8, où l'œil gris se dessine carrément. L'agent anglais était un homme dans la force de l'âge, doué, nous l'avons dit, d'une vigueur exceptionnelle. De plus, il avait un courage de lion. Cependant, lorsque le chasseur s'était jeté à l'improviste sur lui et l'avait renversé sur le plancher, il s'était laissé faire sans essayer la moindre résistance, sans même qu'il lui eût échappé un cri. Non pas qu'il fût épouvanté de cette attaque imprévue, sa présence d'esprit ne lui avait pas fait défaut une seconde, mais accoutumé par le dangereux métier qu'il faisait, à jouer un jeu terrible, il n'y avait jamais pour lui de situation désespérée. Il préférait lutter de ruse avec ses adversaires au lieu d'opposer la force à la force, convaincu que s'il n'était pas tué sur le coup, dans n'importe quelle circonstance, non seulement il parviendrait à se tirer d'affaire à force d'astuces, mais encore à obtenir des avantages qu'un combat brutal lui aurait enlevés. Il s'était si souvent trouvé à même d'expérimenter l'habileté de cette tactique qu'elle était chez lui érigée depuis longtemps en système. Pour rien au monde, il n'aurait consenti à s'en départir. Il est vrai que Sir William Croquhill était devenu, s'il est possible, plus pâle qu'il ne l'était ordinairement. Mais, à part ce fait tout physique et complètement indépendant de sa volonté, il n'avait rien perdu de sa morgue et de son sang-froid. « Ah oh !» répondit-il à la question de son vainqueur. « Causons, je le veux bien, mon estimable monsieur. Mais je vous ferai observer que je me trouve dans une position excessivement désagréable pour prendre part à un entretien qui sans doute sera fort long. « Vous êtes assez gêné, n'est-ce pas ?» demanda le chasseur. « Je suis extrêmement gêné, je ne vous le cache pas, cher monsieur. »« J'aurais peut-être un peu trop serré les cordes. »« Beaucoup trop, cher monsieur, elles m'entrent dans la peau. »« Oui, c'est bien cela, dame. »« Vous comprenez, Sir William ?»« Vous savez mon nom ?»« J'ai cet honneur. » »« Et vous, comment vous nommez-vous, cher monsieur ?»« Moi, je ne me nomme pas. »« Ah oh, très bien. »« Vous ne pourriez pas desserrer un peu les cordes ?»« Impossible. » « Mais croyez-moi, n'y faites pas attention. Dans 10 minutes, vous n'y penserez plus. C'est une habitude à prendre, voilà tout, » dit le chasseur de l'air le plus sérieux. « Une mauvaise habitude, monsieur. Ces cordes me font beaucoup souffrir. Vous êtes donc douillet ?»« Je l'avoue. Soyez tranquille, cher William Croquhill. Vous avouerez bien d'autres choses tout à l'heure. »« Bah. Oui, vous allez voir. Voyons. Je ne demande pas mieux, je suis très curieux. » Aussi, je suis rempli de défauts, j'ai été très mal élevé. Êtes-vous entêté aussi ? Considérablement. Comme cela se trouve, je suis entêté comme un mulet, et quand je veux une chose, il faut que cela soit juste. C'est comme moi. Bon, alors nous allons avoir de l'agrément. Oui, je le crois beaucoup d'agrément, si seulement vous relâchiez un peu les cordes. Je vous ai dit que c'était impossible. « C'est vrai, mais j'espérais que je changerais d'avis. »« Oui, je n'en change jamais. »« C'est encore comme moi. »« Tiens, tiens, tiens, voyez-vous cela ?» Tout en parlant ainsi, le chasseur était monté debout sur une chaise et il s'occupait à décrocher le lustre pendu au plafond. « Que diable faites-vous donc là, cher monsieur ?» demanda l'anglais, toujours imperturbable. « Prenez garde, ce lustre est très lourd. » « Vous risquez de le briser, j'en serais fâché, car il m'a coûté fort cher. »« Il n'y a pas de danger, Sir William, voyez. » Et il descendit de la chaise, le lustre à la main. « Pourquoi avez-vous décroché ce lustre ?»« Apparemment parce qu'il me gênait. »« Je ne comprends pas du tout. »« Dans un instant, vous comprendrez, cher Sir William. Soyez tranquille, » répondit le chasseur, de cet accent railleur qui lui était particulier. Il posa doucement le lustre sur des coussins, puis déroula une corde assez longue qui faisait plusieurs fois le tour de sa ceinture, remonta sur la chaise, passa un bout de la corde par l'œillet du piton vissé dans le plafond, tira à lui la corde, lui donna 2 ou 3 vigoureuses secousses pour s'assurer qu'elle était solide, et s'occupa sérieusement à faire un nœud coulant à une des extrémités. « Ah ça, que diable faites-vous donc là, cher monsieur ?» demanda l'anglais que ses préparatifs lugubres commençaient à inquiéter. « Vous le voyez bien, Sir William, je fais un nœud coulant. »« Mais pourquoi faire ce nœud coulant ?»« Pour vous pendre, cher Williams, » répondit le chasseur de son air le plus agréable. Me pendre, moi? Ah oh, quelle mauvaise pensée avez-vous donc là? Ce n'est pas une pensée, c'est une résolution prise. Mais pourquoi me pendre? Je pourrais vous répondre qu'il y a longtemps déjà que je ne me suis procuré cette satisfaction de pendre un Anglais, et que, puisque vous me tombez sous la main, je profite de l'occasion que m'offre le hasard. Mais peut-être ne trouveriez-vous pas cette raison bonne? Je la trouverais exécrable. Aussi, je ne vous la donne pas. Et laquelle me donnez-vous? Celle-ci, répondit d'une voix sourde et farouche. Vous êtes un espion anglais, surpris par moi, la main dans le sac, c'est-à-dire essayant de déterminer un officier supérieur français à trahir son pays. Vous savez ce que l'on fait aux espions? Mais, cher monsieur, vous n'avez pas qualité pour agir ainsi. Ce que vous voulez faire n'est pas légal. Bah, qui est-ce qui s'occupe en ce moment de l'égalité à la Guadeloupe? Répondit le chasseur en haussant les épaules. Nous sommes sous le régime militaire, et vous le savez, cher monsieur, sous ce régime, la force prime le droit. Vous n'êtes pas militaire, vous? C'est vrai. Je ne suis pas militaire, mais je suis chasseur. Distinguons, ce n'est pas du tout la même chose. Vous croyez? Savez-vous ce que je fais, Sir Williams, lorsque je rencontre une bête féroce sur mon chemin? Vous la tuez, by God. Et vous avez raison, mais il n'y a pas de bête féroce à la Guadeloupe. Vous êtes très spirituel, Sir Williams. Je me plais à le reconnaître. Malheureusement, vous vous trompez. Il y a en ce moment, en ce pays, une grande quantité de bêtes féroces à deux pieds. Vous, entre autres, qui, par vos mensonges et vos agissements, poussez des malheureux à la trahison, à la révolte et au meurtre, et tout cela au nom de votre gouvernement. Donc, je vais vous pendre. » Et il fit quelques pas vers son prisonnier, après s'être assuré de la solidité de la corde. « Cela tiendra, dit-il. »« Vous croyez ?»« J'en suis sûr. »« Ah oh ! Et vous allez me pendre ainsi, tout grouillant, sans me crier « gare ?» « Mon Dieu, oui, cher monsieur. Permettez, ajouta-t-il. » Et il passa délicatement le nœud coulant autour du cou de l'Anglais. « Ah, ça, c'est donc sérieux ? » s'écria l'agent avec un soubresaut de terreur. « Très sérieux. C'est un assassinat. Une exécution sommaire, tout au plus. Mais je ne veux pas mourir, moi. » « C'est probable. Malheureusement pour vous, votre volonté ne peut rien y faire. Êtes-vous prêt ? » ?»« Je ne suis pas prêt du tout, au contraire. » « Tant pis pour vous, je suis pressé. » Et il imprima une assez forte secousse à la corde. « Ah oh, attendez, attendez !»« Quoi ?»« Desserrez un peu la corde. »« Est-ce bien nécessaire ?»« Elle m'étrangle. »« Si peu, mais enfin, puisque vous le désirez absolument, voilà. »« Et maintenant, qu'y a-t-il ?»« Je vous propose un marché. »« À moi ?»« Dame, il me semble. »« C'est vrai, pourquoi ce marché ?»« Pour ne pas être pendu. » Bah, c'est déjà à peu près fait. C'est égal, j'en reviendrai. Vous croyez? By God, certainement. Voyons le marché, alors. Je ne vous cache pas, cher Sir Williams, qu'il faudra que ce marché soit bien avantageux pour moi, pour que je l'accepte. Ah oh, cela ne fait rien, je suis très riche. Qu'est-ce que cela me fait à moi? Pardon, comme il s'agit d'un marché... Eh bien, je parle d'argent. Vous avez tort. Comment j'ai tort? Certes, je suis plus riche que vous. Vous? Parfaitement, je n'ai besoin de rien. Ce qui fait que je déteste l'argent. Si vous n'avez pas autre chose à m'offrir, cher Sir Williams, je crois que vous ferez bien de recommander votre âme au diable. Je n'ai rien d'autre chose, dit sèchement l'Anglais. Alors, bonsoir. Et le chasseur se remit à tirer la corde franchement cette fois. « Attendez, attendez !» cria l'Anglais d'une voix étouffée. « Encore ?» fit Œil Gris d'un ton de mauvaise humeur. Cependant, il s'arrêta. « Ah oh, toujours !» fit l'Anglais, qui était violet et respirait comme un soufflet de forge. « Vous faites bien des manières pour vous laisser pendre. Je voudrais bien vous y voir, vous. »« Je comprends cela. Mais vous n'aurez pas ce plaisir, cher monsieur. Voyons, finissons-en. »« Je ne demande pas mieux. Je vous avertis que c'est la dernière fois. » « Très bien, allez. Et que si vous ne vous exécutez pas ?»« C'est compris. Bon, où sont les papiers ?»« Ah, by God, voilà ce que je craignais !» grommela l'Anglais avec un désespoir comique. « Comme c'était difficile à deviner, » fit le chasseur en haussant les épaules. « J'attends, » dit-il. « Je suis contraint. » Voulez-vous que je vous le prouve ? C'est inutile. Alors, prenez la clé qui est suspendue à mon cou, la voilà. Reculez mon fauteuil, c'est fait. Baissez-vous, bien. Voyez-vous là, près de votre pied droit, cette tête de clou rouillé dans le parquet ? Parfaitement. Poussez-la. Le chasseur exécutait au fur et à mesure chaque mouvement indiqué. Il aperçut une espèce de cachette au fond de laquelle se trouvait une boîte en fer. Il l'ouvrit, vit un rouleau de papier dont il s'empara, puis il referma la cachette. « Est-ce tout ? » demanda-t-il. « Tout, » répondit laconiquement l'anglais. « Bien sûr ? » ?»« Très sûr. » »« Bon, alors faites votre prière. »« Pourquoi cela ?»« Parce que vous avez menti que je vais vous pendre. » L'œil de Sir Williams lança un éclair fauve. « Brigand, » murmura-t-il. Le chasseur saisit la corde. « Dans une ceinture de cuir autour de mon corps, il y a mon portefeuille, » dit l'anglais avec rage. « Prenez-le et soyez maudit. » En moins de temps qu'il n'en avait fallu à l'anglais pour s'expliquer, la ceinture et le portefeuille étaient enlevés. « Maintenant, » ajouta l'agent anglais d'une voix sourde, « pendez-moi si vous voulez, je n'ai plus rien. »« Je le sais, cher monsieur, aussi je vais vous faire mes adieux. »« Détachez-moi au moins. » « Vous êtes très bien comme cela. »« Vous savez que si j'en réchappe, je vous tuerai, » s'écria l'insulaire en grinçant des dents avec rage. « Je sais que vous l'essayerez, du moins. Vous êtes un misérable. »« Et vous, un imbécile ?»« Moi, un imbécile ?» s'écria l'anglais, à qui cette insulte sembla donner à réfléchir. « Pourquoi cela ?»« Parce que je ne vous aurais pas pendu, me prenez-vous par hasard, pour un drôle de votre espèce ?» Oh, good God, ce démon s'est moqué de moi, dit l'anglais en laissant tomber avec désespoir sa tête sur sa poitrine. Parfaitement. Au revoir, cher William Scroquill. Il enjamba la fenêtre en riant et sauta dans le jardin. Mais l'anglais ne l'entendit pas, la rage et la colère d'avoir été ainsi pris pour dupe. Lui qui se prétendait si rusé l'avait fait évanouir. Le chasseur, tout satisfait du résultat de son expédition et de la manière dont il avait réussi à s'emparer des preuves de la trahison que méditait Sir William Scroquill, et surtout de sa correspondance avec le gouverneur de la Dominique, franchit gaiement le mur de clôture et s'éloigna à grands pas dans la direction de la place, tout en laissant errer son regard autour de lui et sondant soigneusement les ténèbres afin de s'assurer qu'il n'était ni surveillé ni suivi par quelque témoin indiscret blotti dans l'enfoncement d'une porte. Il ne s'arrêta que dans la ravine à Billan, près de la rivière aux herbes, qui sépare les deux paroisses de la basse terre. L'œil gris fit alors un léger crochet, et après avoir marché quelques minutes encore, il s'arrêta à la porte d'une maison de belle apparence. Il poussa la porte sans même se donner la peine de frapper, en homme qui se sent chez lui, et il pénétra dans l'intérieur de la maison, non sans avoir eu d'abord la précaution d'assurer solidement la porte à l'intérieur au moyen d'une barre de bois qu'il plaça en travers. Ce devoir accompli, le chasseur reprit son fusil qu'il avait appuyé au mur, le mit sous son bras et traversa une cour assez grande, couverte d'un sable très fin et très jaune, et plantée de quelques tamarins qui poussaient çà et là, sans ordre et un peu à l'aventure. La porte d'une chambre bien éclairée ouvrait de plein pied sur la cour. Il ouvrit cette porte, mais au moment de la franchir, il s'arrêta sur le seuil et salua d'un air assez embarrassé. Il était évident que le chasseur croyait ne rencontrer personne sur son chemin. De là son embarras et peut-être sa contrariété secrète. Deux personnes, deux femmes de couleur, se trouvaient dans cette pièce. La première était une jeune fille, toute jeune encore, presque une enfant. Elle avait à peine 15 ans, mais paraissait plus âgée qu'elle ne l'était en réalité. Elle était très jolie, avec une physionomie rieuse et mutine qui faisait plaisir à voir. La seconde, presque noire, vêtue d'étoffes éclatantes et de couleurs disparates, avait déjà depuis quelques années, au dire des mauvaises langues, franchi le mauvais côté de la cinquantaine. De plus, jamais elle n'avait été jolie. Au bruit fait par le chasseur en ouvrant la porte, les deux femmes relevèrent vivement la tête et le regardèrent encore plus effrayées que surprises. Mais presque aussitôt elles se rassurèrent, elles avaient reconnu le visiteur qui arrivait si brusquement au milieu de la nuit. « Eh, missier, » dit la jeune fille en riant, « vous m'avez fait peur. »« Pardonnez-moi, mademoiselle Zénobie, » répondit le chasseur, ce n'était pas mon intention. D'ailleurs, je vous croyais couché déjà depuis longtemps. Oh non, messieurs, voici maman Suméra, qui est venue me voir et passer la journée avec moi. Alors nous avons causé au lieu de dormir. Oui, oui, fit le chasseur, en pénétrant tout à fait dans la chambre. Et vous avez si bien causé que vous avez oublié l'heure. Est-il donc si tard ? Demanda la vieille négresse avec intérêt. Cela dépend de la façon de l'entendre. Il est très tard ou de très bonne heure. À votre choix, madame Suméra. Pourquoi donc cela, messieurs ? Parce qu'il est à peu près 1 heure du matin. Oh mon Dieu, comment faire ? Reprit la négresse. Eh bien, vous coucherez ici, maman, dit la jeune fille, et au jour vous partirez. Ce n'est pas possible, reprit la vieille négresse d'un air contrarié. Je suis obligé d'être chez moi de très bonne heure. Voilà qui est fâcheux, dit le chasseur. Mademoiselle Zénobie, voulez-vous avoir l'obligeance de me donner une lumière, s'il vous plaît ? Vous allez vous coucher ? Non pas, mademoiselle. Vous savez bien que je ne dors jamais, moi. Je veux seulement renouveler ma provision de poudre au baril renfermée dans ma chambre et détacher mes chiens. Les pauvres bêtes doivent s'ennuyer après leur maître. Vous savez, les chiens ne sont pas des hommes. Ils n'ont pas érigé l'ingratitude en principe. Comment ? Est-ce que vous allez partir tout de suite ? Oui, mademoiselle Zénobie, un instant, je suis pressé. Et vous n'avez pas peur, messieurs, ainsi la nuit tout seul ? S'écria la vieille négresse avec admiration. Peur de quoi ? Dit-il. Marcher comme ça la nuit à travers la campagne ? Je n'oserais pas, moi, reprit la moricaude en minaudant. Le chasseur haussa les épaules. Il prit la lanterne que la jeune mulâtresse lui tendait, après l'avoir allumée, et il sortit. Mais au lieu de s'éloigner, le chasseur cacha sa lanterne derrière une porte, afin que la lumière ne fût pas aperçue. Il s'effaça contre le mur. Presque au même instant, la porte de la chambre s'ouvrit. Mlle Zénobie parut sur le seuil, sembla regarder de tous les côtés, puis rassurée sans doute par le silence qui régnait dans la cour, elle rentra en repoussant, mais sans la fermer complètement, la porte derrière elle. Le chasseur laissa s'écouler 2 ou 3 minutes, puis il revint un pas de loup vers la pièce. Il appuya son œil au trou de la serrure et il regarda tout en prêtant l'oreille. Les deux femmes étaient assises auprès l'une de l'autre. Elles causaient à voix basse. Mais comme elles ne se soupçonnaient pas écoutées, elles ne parlaient pas assez doucement pour que le chasseur ne pût entendre ce qu'elles disaient. « Vous êtes sûr qu'elle viendra ?» demandait Mlle Zénobie. « Très sûr, » répondit la négresse. « Et vous voulez que je fasse remettre cette plume de paon à Missier Delgrès ?»« Non, pas chez Cocotte. C'est vous-même, au contraire, qui devez la lui remettre. »« Mais, une mamselle !» s'écria la jeune fille avec un accent de dignité offensée. « Oh, maman Suméra, pour qui donc me prenez-vous, s'il vous plaît ?»« Vous êtes une petite sotte, » répondit sèchement la négresse. « Il ne s'agit nullement d'amour dans cette affaire. » Pour vous, du moins. Ainsi, vous n'avez rien à craindre. Vous ne serez pas compromise. C'est possible, mais que dira Télémaque s'il apprend cela ? Télémaque ne dira rien. D'ailleurs, il ne le saura pas. Vous ai-je dit ce qui lui est arrivé ce soir ? Oh mon Dieu, quoi donc ? S'écria Mlle Zénobie avec inquiétude. Donc, vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Télémaque a été arrêté ce soir à 8 heures à Lens à la Barque, pendant le Bamboula. Missier Télémaque ? Lui-même. Son affaire est très grave à ce qu'il paraît. Mais rassurez-vous, mademoiselle Zénobie. Vous savez que je possède un qui en bois très fort. Eh bien, si vous consentez à ce que je vous demande, je m'engage, moi, à faire évader Missier Télémaque avant le lever du soleil. Vous feriez cela, bien vrai ? Je vous le promets, oui. Alors c'est convenu, s'écria-t-elle avec vivacité. Je remettrai la plume à Missier Delgrès. Et vous lui direz bien tout. « Ainsi que je vous l'ai recommandé. »« Oui, oui, soyez tranquille, maman Suméra. »« Eh bien, chez Cocotte, je vous donnerai un gris-gris qui obligera Missier Télémaque à vous aimer toujours. »« Oh, quel bonheur !» s'écria la mulâtresse d'un air radieux en frappant joyeusement ses mains mignonnes l'une contre l'autre. « Silence !» dit la négresse en posant un doigt sur sa bouche. « Le chasseur peut revenir. Il ne faut pas qu'il sache. »« Oh, je ne lui dis jamais rien. » « Vous avez grandement raison, chère petite. S'il en était autrement, malgré mon amitié pour vous, je vous en avertis, vous seriez perdue. »« Oh non, non, je n'ai rien à craindre. Vous savez bien, maman Suméra, que je vous obéis toujours. »« Est-ce que cet homme va partir ainsi qu'il l'a dit ?»« Certainement, il ne couche jamais dans sa chambre. Elle ne lui sert que pour renfermer le peu qu'il possède. » ce qui est le moins que rien. Il est toujours à courir les mornes. » Il faut qu'il m'emmène avec lui, reprit la négresse d'une voix sourde. Ce ne sera pas facile de l'y faire consentir. Il le faut, j'ai mon projet. Prenez garde, maman Suméra. Vous ne connaissez pas ce vieux chasseur, il est bien fin. C'est possible, mais si fin qu'il soit, je lui prouverai, moi, que je suis plus fine que lui. Je vous le répète, prenez garde. Du reste, il ne peut tarder à rentrer maintenant. Dès qu'il arrivera, parlez-lui. C'est ce que je ferai. Probablement le chasseur jugea qu'il en avait assez entendu, car abandonnant son observatoire en deux enjambées, il fut dans sa chambre. Après avoir rempli sa poire à poudre, il se rendit au chenil où il avait renfermé ses chiens en arrivant à la basse terre, après avoir quitté la plantation de la Brunerie vers 11h30. Il lâcha ses ratiers qui bondirent joyeusement autour de lui, tout heureux de le revoir. Il se dirigea ensuite vers la pièce où se tenaient les deux femmes, en ayant soin de faire assez de bruit pour annoncer sa présence. Les deux femmes riaient à gorge déployée. Mlle Zénobie récitait en riant comme une folle une fable de La Fontaine en patois créole. Cette fable était « La cigale et la fourmi ». Le chasseur arriva juste à ce moment palpitant d'intérêt où la fourmi avare et grondeuse répondit ceci à la pauvre cigale. « Ah, ah, ou qu'a chanté, tché, café ou pofti ni d'autre, métier et ben tché cocotte, pour faire passer faim ou la aller danser calenda. » Les rires recommencèrent de plus belle. « Morale ?» dit le chasseur en poussant la porte et entrant dans la chambre. Il se planta alors devant les deux femmes, son fusil d'une main, sa lanterne de l'autre, et avec un sang-froid imperturbable, il récita ce qui suit d'une haleine. « C'est pour ça yo qu'a dit zote, que quand yon mon la conté, là son canari yon no l'autre. Lila couri, ris chéné. » « Voilà, » ajouta-t-il en saluant gravement les deux femmes, qui riaient à se tordre et battaient des mains. À voir la physionomie franche et ouverte du chasseur, son air bonhomme, presque niais, certes personne ne se serait douté des pensées qu'en ce moment même il roulait dans son cerveau. « Vous voyez, mademoiselle Zénobie, dit-il gaiement, que moi aussi je sais les fables de La Fontaine. »« Oh, vous savez toutes choses, vous, missier, » répondit la jeune fille sur le même ton. « Non, oh, non, mademoiselle Zénobie, toutes choses ce serait trop dire, mais la vérité est que j'en sais beaucoup. » Maintenant, je vais avoir l'honneur de vous souhaiter le bonsoir, ainsi qu'à madame, et vous direz ma révérence. Ainsi vous partez tout de suite, comme cela, missier ? Mon Dieu, oui, mademoiselle Zénobie, il le faut. Vous savez, les affaires commandent. Je suis attendu au lever du soleil à l'habitation Tillemont. Il paraît que les plants de canne à sucre sont complètement dévorés par les rats. Il faut que je mette un peu ces gaillards à la raison. Oui, en effet, il y a beaucoup de rats à l'habitation Tillemont, dit la vieille négresse avec conviction. « Ah, vous savez cela ?»« J'habite tout auprès. »« Bah, où donc ?»« Au morne aux cabris. »« C'est ma foi vrai. C'est à une lieue à peine de l'habitation. »« Tout au plus. »« Oui, je vois cela d'ici. Je passerai presque devant. »« Si vous vouliez, missier, dit la jeune fille d'une voix câline, vous pourriez, sans qu'il vous en coûte à rien, rendre un grand service à maman Suméra. »« Moi, mademoiselle Zénobie ?» fit-il avec une surprise parfaitement jouée. « Oui, et cela très facilement, » ajouta la vieille. « De quoi s'agit-il donc ?»« De presque rien. »« Alors ce n'est pas grand-chose, » fit-il en riant. « Vous savez où est le morne au cabri ?»« Pardieu, puisque je suis obligé de passer tout à côté pour me rendre à l'habitation Tillemont. La route est même assez mauvaise dans ces parages-là. »« Oui, et bien difficile, la nuit surtout. »« Bah, maintenant, la lune est levée. Elle est claire comme en plein jour. » « C'est égal. Pour une femme seule, c'est très dangereux, sans compter les mauvaises rencontres. »« Que diable me rabat chez vous là ? » fit-il en riant. « Est-ce que je suis une femme seule, moi ? Est-ce que je crains les mauvaises rencontres ?»« Je ne parle pas de vous. »« De qui donc, alors ? » ?»« De mon ami, de maman Suméra. » »« Ah, c'est différent. Mais ne lui avez-vous pas offert de coucher ici ?»« Oui, et j'en remercie mlle Zénobie, » répondit la vieille négresse. « Mais j'ai refusé. » parce qu'il faut que je sois rendu chez moi avant le lever du soleil. « Oui, je me le rappelle. Mais que puis-je faire à cela, moi ? » dit-il d'un air ingénu. « Tout, missier chasseur. »« Oui, tout, » ponctua la vieille. « Tant que cela, » fit-il en ricanant, « vous savez que je ne vous comprends pas du tout. » « Eh bien, il s'agirait en passant de conduire maman Suméra jusque chez elle. » « Ah, diable !»« Qu'est-ce qu'il y a ? » « Rien. » « Vous avez dit « Ah, diable, missier !»« C'est vrai, mademoiselle Zénobie. Je comprends maintenant, cela ne m'arrange plus du tout. »« Pourquoi ça ?»« Parce que je suis pressé et que j'ai l'habitude de marcher très vite. » »« Je marcherai aussi vite que vous voudrez, » dit la vieille. « Et puis je vous avoue que je n'aime pas la compagnie, la nuit surtout. On ne sait pas ce qui peut arriver. » « Je marcherai comme cela vous plaira, devant ou derrière, vous. À votre choix, cela m'est égal. » Le chasseur sembla réfléchir. Les deux femmes regardaient œil gris en dessous. « Non, tout bien considéré, » reprit-il au bout d'un instant en hochant la tête, « ce n'est pas possible. »« Oh, vous n'êtes pas galant pour les dames, messieurs, » dit mlle Zénobie. « Je suis comme cela. » « Refuser un service à une femme ? » s'écria l'horrible vieille en minaudant. « Que voulez-vous ? On ne se refait pas. » « Je ne peux pas souffrir les femmes. Je suis convaincu qu'il n'y a rien de bon à en sortir, et que la meilleure d'entre elles ne vaut rien. » « Eh bien, en voilà des idées, par exemple. » « Voyons, ne soyez pas méchant pour moi, missier, » dit la vieille d'un ton pleurard. « Consentez à m'emmener. » « Vous allez me faire une sottise, » reprit-il en paraissant faiblir. « Il n'y a qu'une demi-heure de chemin tout au plus en marchant bien. » « C'est vrai. »« Voyons, soyez aimable une fois par hasard. »« Cela vous fera-t-il beaucoup de plaisir, mademoiselle Zénobie ?»« Beaucoup, beaucoup, » s'écria-t-elle. « C'est bien pour vous que je le fais, allez, » s'écria-t-il d'un air maussade. « Enfin, voyons, venez la mère, et que le diable torde le cou comme à un dindon, si cette promenade me fait plaisir. »« Je passe sur l'injure en faveur du service, » dit la vieille, les graisses avec ressentiment. « Parbleu, cela m'est bien égal que vous croyez que cela m'amuse. » « Nous avons l'air d'aller au sabbat. »« Merci, missier, vous êtes bien aimable, » dit la jeune fille avec un sourire. « Vous trouvez, mlle Zénobie ? Vous n'êtes pas difficile. » Il salua et sortit en grommelant, suivi de la vieille. Il était 2h30 fin matin. Il faisait une brise piquante qui soufflait de la mer et fouettait rudement le visage. Le chasseur et la vieille sorcière, car en réalité maman Suméra n'était pas autre chose, s'éloignèrent à grands pas. Nous ferons observer ici au lecteur, qui pourrait être étonné de la rapidité avec laquelle les événements se succèdent, que la Guadeloupe n'a qu'une médiocre étendue, que par conséquent les distances y sont courtes, et que c'était à peine si, pendant ses nombreuses pérégrinations, le chasseur avait fait 5 lieues.